Chapitre 16e. L'air vivifiant de l'Atlantique, la vie tranquille que menait Barbara à Penrose Place, furent plus puissants que l'oxygène des rives du lac Léman et des vallées vaporeuses d'Interlaken pour rendre à Barbara toute la fraîcheur de ses joues, la vivacité de son regard. Elle s'abandonna à son sort avec résignation et vécut. La vie manquait pour elle d'intérêt. Sans doute elle admirait le grand château du temps de Cromwell, mais comme on admire un tableau dans un musée. Cette splendide demeure l'oppressait. Elle n'y trouvait aucun des charmes qu'avait pour elle la Villa des Roses avec ses petites chambres, son petit jardin et les meubles familiers au milieu desquels s'étaient déroulés les jours bénis de son enfance. Son mari était bon pour elle, tendre même, malgré son ton bourru qui la faisait tressaillir quand elle était malade. Elle avait compris que Vivien l'aimait passionnément, depuis qu'il lui avait raconté qu'étant en proie au délire, elle avait prononcé maintes fois le nom du capitaine Leland. « Ah, je crois que si j'avais su à quel point vous l'aimiez, je n'aurais pas été assez fou pour vous épouser. Ne vous avais-je pas avoué que je l'aimais de toute mon âme? Oui, mais j'étais convaincu que vous ne l'aimiez plus. C'est un rêve, à jamais évanoui. Le délire seul a pu faire palpiter mon cœur éteint. Le passé et le présent se mêlaient dans mon esprit, maintenant que je suis de sang-froid. Allons, n'y pensons plus. Mais notre lune de miel n'a pas été brillante. Je regrette les mauvais moments que je vous ai fait passer. L'amour, Barbara, n'est pas la paix. Je n'ai garde de vous dire que je ne voudrais pas vous avoir épousée, mais pourtant, il me semble que j'étais plus heureux avant de vous connaître. » Barbara, impassible, écoutait ses propos, somme toute peu aimables. Vivien avait cédé à une fascination, un entraînement plus fort que lui, mais il s'en voulait à lui-même. Il se faisait l'effet d'une victime de la fatalité. Si Barbara l'eût aimé, il eût béni son esclavage. Il eût alors été le plus aimable et le meilleur des maris. Ce vieux chêne, à l'écorce épaisse et rugueuse, se fût courbé comme un jeune arbre. Mais hélas, Barbara ne l'aimait pas. Et sa franche et honnête nature lui interdisait de feindre un amour qu'elle ne pouvait éprouver. Elle était reconnaissante des bontés de son mari, mais elle ne s'imaginait pas que le devoir lui imposa plus que de la reconnaissance. Barbara tenait son nouveau rang avec une modestie qui aurait dû lui gagner tous les cœurs. Sa conduite échappait aux critiques même de sa belle-sœur, bien qu'elle eût été obligée de lui faire l'abandon de ses précieuses clés et de renoncer à ce rôle de maîtresse de maison qu'elle avait rempli depuis des années. Tous les serviteurs qui étaient sous le joug de Mademoiselle Penrose avaient vu avec plus ou moins de satisfaction l'autorité passée à une jeune femme qui leur rendrait certainement la main. Il y avait tout un monde de serviteurs des deux sexes à Penrose Place. C'était un luxe que Mademoiselle Penrose reprochait souvent à son frère, en lui disant que sa maison contenait plus de chats que de souris. « Eh bien, j'aime les chats, » répondait-il, « et que vous importe d'ailleurs, puisque c'est moi qui les nourris. Ma conscience me fait un devoir de songer au danger que la paresse fait courir aux âmes. »« La paresse ?» reprit Penrose. « Mais il n'y a personne d'aussi paresseux que vous dans la maison. Vous ne faites jamais œuvre de vos dix doigts. Vous passez tout votre temps à lire des ouvrages de piété. Je me prépare pour un monde meilleur. » La seule jouissance de Barbara à Penrose Place était de soigner son jardin et de vivre au milieu des myrtes et des roses. Elle rayonnait au milieu des fleurs et souriait à leur beauté. Quand son mari s'aperçut qu'elle aimait l'horticulture, il lui donna un jardin spécial et lui proposa de faire construire une serre. « Puisque vous ne voulez faire aucun changement dans l'intérieur de la maison, » dit-il, « il faut au moins vous passer quelques fantaisies au dehors. Vous rappelez-vous, » lui demanda-t-il un jour, « des premières roses que je vous avais envoyées quand vous étiez malade. C'était le maréchal Niel, n'est-il pas vrai ?»« Que je voudrais vous voir heureuse, mon enfant, » ajouta-t-il, en l'attirant vers lui et en fixant sur elle un regard tendre et profond. « Enfin, ce qui me tranquillise un peu pour le présent, ce qui me fait espérer un peu pour l'avenir, c'est que ma vieille maison, mes vieux meubles, paraissent ne pas trop vous déplaire. » « Me déplaire, à moi ? » « Avez-vous donc oublié le modeste mobilier de la Villa des Roses, de ce cher petit coin béni auquel je suis resté attaché comme l'oiseau à son nid ? Car si frêle que soit l'édifice, c'est la sécurité, c'est l'espoir, c'est l'avenir. J'espère que vous finirez par aimer autant Penrose Place que Camberwell. Peut-être, avec le temps, mais il faut m'y accoutumer. « J'ai commandé hier une nouvelle voiture pour vous, Barbara, un landau. Puis je compte vous offrir aussi un panier attelé de 4 petits poneys lilliputiens avec des harnais danois. Cela vous amuserait-il de conduire à 4 ? Que vous êtes bon, s'écrie-t-elle. Comme ma mère et Florent seront heureuses quand... Si elles viennent jamais me voir. Mais au fait, je suis sûr que vous désirez leur visite. Écrivez-leur donc tout de suite que nous les attendons. Ah, tenez Vivien, je ne connais rien de meilleur que vous, dit Barbara en lui donnant pour la première fois un baiser spontané. Bien vrai, cela ne vous contrarie pas. Moi ? Mais qu'elles viennent demain si cela peut vous être agréable. Je serais si heureux de vous entendre rire, de ce bon rire que j'ai entendu autrefois quand j'étais blotti derrière vous dans une loge au théâtre. Tant de choses se sont passées depuis lors. Lesquelles ? J'ai beaucoup vieilli. Dans l'espace d'un an ? N'espérez pas me tromper, dit-il. C'est que vous vous ennuyez. Mais le front de Barbara s'est éclairci et elle lui répond presque gaiement. Je vous promets, Vivien, que je ne m'ennuierai plus. Là-dessus, elle le quitte pour aller écrire la lettre sur laquelle elle fonde un si doux espoir. Une des consolations de Barbara était d'écrire tous les jours à sa mère. Elle lui avait déjà dépeint le château, le parc, le jardin, les montagnes, la fougère, le granit et presque toutes les pierres du vieux château. Puis la bonté de son mari et même celle de Prissy. Mais la pensée de revoir bientôt sa mère et sa sœur, son âme débordait littéralement. Je me demande quel effet vous fera mon vieux castel, où il y a des domestiques sans nombre, où personne en dehors d'eux ne se permettrait d'enlever un grain de poussière, où le jardin est grand comme un parc, où le parc est grand comme un désert. J'entends d'ici Florent s'extasier sur mes fleurs. Cependant, je crains qu'elle ne trouve la vie triste à Penrith Place, où une bruyère ne saurait répondre à son immense besoin de flânerie, et qu'elle ne se fatigue promptement la vue de ces deux géants, qui semblent toujours nous adresser ce propos écrasant. Créature de rien, nous étions ici avant le déluge, nous serons ici au jour du jugement. Surtout, ne vous occupez pas de la question toilette et ne perdez pas votre temps à faire des combinaisons et des préparatifs qui vous retiendraient à Camberwell. J'ai de l'argent plein mes tiroirs et nous irons à la ville acheter ce dont vous aurez besoin. Venez sans tarder, car je perds patience. Prenez le train le plus direct, le plus rapide. La vapeur ne marchera jamais assez vite au gré de mes désirs. Quel beau jour à Camberwell que celui où le facteur apporta cette lettre. Florence, au comble de la joie, va de suite faire l'acquisition de caisses de dimensions respectables, pendant que sa mère, aidée par Amélie, empèse, repasse, gaufre et tuyote. 48 heures après, Madame Trévenoc et sa fille quittent la Villa des Roses dans un fiacre à galerie pour se rendre à la gare. « Première classe ?» demande Florence à sa mère. « Si nous allions jusqu'à Exeter en seconde classe, répond celle-ci, puis là où nous devons changer de train, nous reprendrions des billets de première. » « Cela peut se faire, mais c'est bien mesquin, et si nous rencontrons des personnes de connaissance ?»« Nous connaissons si peu de monde. » Florence va au guichet. Mais toute réflexion faite, elle demande deux billets de première classe. Remet pêle-mêle à sa mère la monnaie qu'on vient de lui rendre. On part, on est parti. Barbara a envoyé sa voiture à Launceston, la station où doivent descendre sa mère et sa sœur. C'est un Briska contemporain de l'Arche. Madame Trévenoc et Florence s'installent au fond du véhicule antédiluvien. Puis elles arriment en face d'elles le carton à chapeau, les parapluies, les parasols et les imperméables, pas diluviens. « La Providence a béni tous nos vœux, » s'écrie Madame Trévenoc en levant les yeux au ciel. « Je suis dans la voiture de ma fille. Mon rêve est enfin réalisé. » « Eh bien, quoique je ne sois pas digne de délier les cordons des souliers de Barbara, je vous prie, ma mère, de rêver pour moi quelque chose de moins rudimentaire que cette patache. » On traverse la ville. Florence passe la tête par la portière. Elle étudie les étalages. Puis viennent les puissantes montagnes des Cornouailles. Madame Trévenoc, en contemplant en silence ces pics lugubres, ne peut se défendre d'un sentiment de désolation. Mais Florence ne se laisse pas impressionner pour si peu, et elle s'écrie « Quelle grosse masse stupide !»« Florence, » dit sa mère, « vous n'aimez, en fait de paysage, que les décors d'opéra comique, que les chaumières. »« C'est vrai, » répond-elle en riant, « je reconnais que je ne suis pas à la hauteur des montagnes. » Après une demi-heure de causerie entre la mère et la fille sur les sentiments que ces immenses silhouettes éveillent dans l'âme, la voiture franchit la porte du parc. Madame Trévenoc éprouve d'abord une déception, car elle s'attendait à voir des arbres centenaires et des chênes dont la cime touchait au ciel. En revanche, Le château était encore bien plus grand, plus majestueux, plus imposant qu'elle ne l'avait imaginé. Bientôt, elle découvre quelque chose qui la touche au cœur. Barbara, vêtue de blanc, attendant sur le perron l'arrivée des voyageuses. Elle court ouvrir la portière de la voiture et avant même que le cocher ait le temps d'arrêter les chevaux, elle est dans les bras de sa mère, pleurant et riant tout à la fois. Quel siècle! Quelle éternité depuis que nous nous sommes vus! Mais vous avez une mine charmante et Florence aussi. Et vous, ma chérie, répond Madame Trévenoc, vous n'avez jamais été plus belle. Puis elle ajoute, quelle habitation, quel parc, quel jardin, c'est splendide! Barbara, radieuse et douce, prend le bras de sa mère sous le sien, s'empare des deux mains de Florence, puis, ainsi enlacées, leurs pas légers font doucement craquer les parquets. Elle traverse une enfilade de salons. Madame Trévenoc regarde tout, éblouie et ravie. Barbara avait mis des fleurs partout, procédé infaillible de rajeunissement et de gaieté. « Que vous devez être heureuse, mon enfant !» s'écrie Madame Trévenoc. « Oui, » répond-elle, puis elle ajoute, sinon avec entraînement, du moins avec conviction. « Mon mari est si bon. »« Florence, » dit-elle en s'adressant à sa sœur, « je compte sur toi pour te faire violence à l'égard de Mademoiselle Penrith et pour tâcher de vivre en bonne intelligence avec elle. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais tu n'en auras que plus de mérite. » Enfin, on arrive aux appartements destinés à Madame Trévenoc et à Florence. Barbara sonne. Une femme de chambre jeune et accorde qui répond au nom de Gilmore apporte le plateau pour le thé avec tout l'appareil nécessaire à la réfection des voyageuses. « Ma mère, » dit Barbara, « Gilmore est préposée spécialement à votre service pendant le temps de votre séjour ici. C'est la fille de la femme de charge. »« Avoir une femme de chambre pour soi seule ?» s'écrie Florence. « Que dirait Amélie ?» Barbara s'empresse près de sa mère, lui offre du thé en appelant Madame Trévenoc des noms les plus doux. Celle-ci, plongée dans un vaste fauteuil, se laisse aller à toutes les joies de cette nouvelle existence. Elle contemple à travers les fenêtres ouvertes l'horizon où se dessinent les hauts sommets des montagnes. Elle respire à plein poumon l'air salin de la mer, le parfum des fleurs qui monte comme l'encens jusqu'à elle. Elle ne peut se défendre d'une réminiscence biblique en comparant Barbara à une nouvelle Esther. « Quelle magnifique argenterie tu as !» dit Florence à sa sœur. « Ce plateau est-il d'argent massif ?»« Ici, l'adage « tout ce qui brille n'est pas or » est faux, car l'argenterie des Penrith est toute d'argent massif au premier titre. Cela doit peser un poids énorme. Te rappelles-tu, Barbara, notre caisse d'argenterie à Camberwell ? 6 cuillères à thé dans une petite boîte. » Les mois de septembre et d'octobre passent comme un rêve pour Barbara. Elle ne prend qu'un intérêt relatif à la guerre lointaine qui tenait alors tous les cœurs en suspens, et elle lit les récits des combats toujours cruels et sinistres sans qu'on puisse découvrir la moindre altération dans ses yeux ou dans sa voix. L'amour lui inspire cette philosophie égoïste. Barbara sait que son héros n'est pas là, et cette pensée semble la rendre insensible à la pitié et à l'effroi. Sébastopol tombe. Toute l'Angleterre retentit des volées joyeuses de cloches et s'empourpre à la lueur des feux de joie. La présence de Madame Trévenoc apporte à sa fille une telle dose de bonheur qu'elle reste aussi indifférente au son des cloches qu'aux réjouissances publiques. Vivien ne peut douter que Barbara lui est profondément reconnaissante, mais il sent cependant que son cœur lui est aussi fermé que le jour même de leur fiançailles. Mademoiselle Penrith reste plus que jamais plongée dans ses lectures pieuses. Les longues promenades en voiture avec sa belle-sœur, Madame Trévenoc et Florence ne l'attendent pas. Elle a, dit-elle, mieux à faire qu'à gaspiller sa vie sur les grandes routes. « Il faut bien tuer le temps, » dit Barbara, avec un soupir. « Je suis sûr, » ajoute Florence, « qu'on ne nous reprochera pas au ciel les heures que nous aurons passées ici-bas à admirer les magnificences de la nature. » « Tout cela est creux et vide, » rétorque Mademoiselle Penrith d'un ton irrité. Florence et Prissy étaient à couteau tiré. Une antipathie mutuelle leur fournissait 1000 sujets d'attaque, de discussion, pour ne pas dire de querelle. Marc, au contraire, était charmé de la vivacité des réparties de Florence, dont les traits d'esprit ne tombaient jamais dans le vide, et il ne comprenait pas que Vivien eût pu donner la préférence à Barbara. Qu'importe un peu plus ou moins de beauté pour le bonheur domestique, Marc, par sa propre expérience, savait qu'une humeur égale, une âme noble, un esprit charmant, une bouche qui sourit quand on gronde, sont de meilleurs garants pour parcourir d'un pas léger l'âpre sentier de la vie, pour rendre les jours meilleurs, que la régularité du visage ou la finesse des traits. « Je commence à croire que votre belle-mère et votre belle-sœur sont fixées à Penrith Place pour la vie, » dit Prissy à Vivien, un jour que sa femme était partie de bonne heure pour aller passer la journée au bord de la mer avec sa mère et sa sœur. Puis elle ajoute, « Madame Penrith a l'air tellement heureux de la présence de Madame Trevenock et de Florence, qu'au fond, il vaudrait peut-être mieux qu'elles y restassent toujours. » « Oui, elle paraît très heureuse depuis leur arrivée à Penrith Place, » répond Vivien d'un ton mélancolique. « Comptiez-vous qu'elles viendraient vivre ici quand vous vous êtes mariés ?»« Qui vous a dit qu'elles y resteront éternellement ?» répond Vivien à sa sœur. « Elles parlent déjà de quitter Penrith Place dans 15 jours. »